Il n'y a rien de si fier que le sieur de long, que le sieur de long. Quand ils sont sur leur pièce, l'on lit, l'on la martingue, martingue, la chichi, la chichi, la chichi. Quand ils sont sur leur pièce, assis et des chevrons, assis et des chevrons. Le patron vient les voir, l'on lit, l'on la martingue, martingue, la chichi, la chichi, la chichi. Le patron vient les voir, courage compagnon, courage compagnon. Il y a du travail à faire, l'on lit, l'on la martingue, martingue, la chichi, la chichi, la chichi. Il y a du travail à faire pour toute la saison, pour toute la saison. La Saint-Jean approche, l'on lit, l'on la martingue, martingue, la chichi, la chichi, la chichi. Mais la Saint-Jean approche, et nous en irons, et nous en irons. Nous irons voir nos femmes, l'on lit, l'on la martingue, martingue, la chichi, la chichi, la chichi. Nous irons voir nos femmes, mais ce qui en avons, mais ce qui en avons. Y a que le petit Pierre, l'on lit, l'on la martingue, martingue, la chichi, la chichi, la chichi. Y a que le petit Pierre, mais nous le marierons, mais nous le marierons. Lui donneront comme gage, l'on lit, l'on la martingue, martingue, la chichi, la chichi, la chichi. Nous lui donnerons comme gage une pelure d'oignon, une pelure d'oignon. La fille n'est pas belle, l'on lit, l'on la martingue, martingue, la chichi, la chichi, la chichi. La fille n'est pas belle, mais les oignons sont bons, mais les oignons sont bons.